Jean Bosco, Douiman. Bonjour, merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Dans la suite des réactions sur le rapport des experts des Nations Unies faisant état de graves violations des droits de l'homme au Burundi, le président Sylvestre Ntibantunganya trouve qu'une autre commission qui ferait d'amples investigations sur ces violations des droits humains devrait être mise en place. Sinon, renchérit-il, personne ne devrait nier des faits vérifiables. Et au parti Uprona de l'opposition, l'on approuve ce rapport puisque reflétant selon lui les réalités observées sur terrain. Et le diabète est en forte augmentation en province de Ruyigi. De janvier à août cette année, plus de 200 personnes ont été dépistées positives. Notre correspondant nous en donnera des détails. En actualité africaine, de nombreuses personnes ont été tuées jeudi et vendredi dans des troubles à Kananga, c'est en République démocratique du Congo. Et au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé cette nuit la réélection d'Ali Bongo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, une commission qui enquêterait davantage sur de graves violations des droits de l'homme au Burundi depuis avril 2015 devrait être mise en place. L'observation est d'un ancien président de la République après différentes réactions sur le rapport récemment sorti par des experts des Nations Unies. Un rapport selon lequel un génocide serait en préparation. Sylvestre Ntibantunganya appelle le gouvernement, l'opposition et la société civile à collaborer avec cette commission. Suivez l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya. La première chose à constater, ou plutôt à dire, c'est que le respect des droits de l'homme, leur promotion, leur défense, nous incombe à tous. Il n'y a pas un seul cadre où les hommes et les femmes vivent ensemble, où on n'assure pas la promotion et la défense des droits de l'homme. Le rapport qui vient d'être rendu public par ces enquêteurs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est un rapport qui a suscité des réactions. J'en tire la conclusion suivante, que dans les perspectives de suivi qui ont été énoncées, il y a la projection de mise en place d'une commission qui enquêterait davantage. Ce qu'il faudrait souhaiter, c'est que tout le monde, alors à ce moment, s'ouvre le cœur, s'apprête à collaborer, que ce soit au niveau des institutions de l'État, que ce soit au niveau des associations ou des organisations qui s'inscrivent dans l'opposition, que ce soit au niveau des associations de la société civile, de manière qu'éclate la vérité la plus intrinsèque sur les violations des droits de l'homme que notre pays a connues depuis plus d'une année. Je pense que ça serait la meilleure voie qui essaie de concilier les positions des uns et des autres, de manière que ceux qui disent qu'aujourd'hui ils n'ont pas été concernés, n'ont pas été touchés, le soit. De manière que s'ils ont des situations qu'ils voudraient voir figurer dans les prochaines conclusions, que ces situations soient relatées à qui de droit pour qu'elles figurent effectivement dans ces conclusions. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya estime que personne ne devrait nier des situations vérifiables. Seulement, dit-il, il faut choisir un cadre dans lequel toutes les situations seraient relatées. Encore une fois, Sylvestre Ntibantunganya. Normalement, on ne devrait même pas hésiter à souhaiter que des rapports de ce genre soient faits quand il y a une situation conflictuelle. Généralement, la tendance souvent est de dire ici on s'est trompé, ici on a omis de dire ceci, ici on a exagéré. Mais on ne devrait pas nier des situations qui sont là, qui sont vérifiables. Personne ne peut nier qu'au cours de ces derniers mois, il y a eu des Burundais qui ont perdu leur vie dans des conditions que les uns appellent extrajudiciaires. Maintenant, il faut chercher qui est responsable de quoi. Personne ne peut nier qu'il y a des Burundais aujourd'hui qui peuvent être qualifiés d'illégalement détenus. C'est une réalité. Personne ne peut nier qu'il y a des Burundais aujourd'hui qui ont pris le chemin de l'exil. Nous devons le reconnaître et nous devons avoir le courage et la responsabilité de dire quiconque, d'où qu'il vienne, souhaiterait nous aider pour maîtriser ces situations, serait plutôt le bienvenu. Effectivement, peut-être faut-il arrêter correctement le cadre dans lequel il travaille, de manière que toutes les situations soient ratées. Quelle est la finalité de tel rapport? Il y a là un résultat qui est atteint, une conscientisation sur la gravité de ces violations des droits de l'homme. Enfin, le Burundi, faisant partie des instances internationales, que ce soit au niveau du Conseil des droits de l'homme, que ce soit au niveau de l'Organisation des Nations Unies, le Burundi étant partie, il doit obligatoirement respecter les engagements qu'il a pris en ces matières. Seulement, je crois effectivement qu'on doit exiger que tout soit fait par la transparence en touchant tous les aspects à la matière. C'était le président Sylvestre Ntibantunganya au téléphone avec Mireille Kanyang. Et le parti prenant de l'opposition apprécie ce rapport élaboré par les experts des Nations Unies en matière des droits de l'homme. Il affirme que ceux qui ont rédigé ce rapport sont des connaisseurs en la matière. Tassien Sibomana indique que ces experts ont motivé le travail et ont interviewé certains groupes de personnes victimes des cas de torture et des milliers de Burundais réfugiés dans les pays limitrophes. Tassien Sibomana. Au niveau de l'appréciation de ce rapport, le parti Frona de l'opposition apprécie à sa juste valeur le rapport élaboré par les experts des Nations Unies en matière des droits de l'homme. D'abord, si on considère la forme du document, on voit très bien que ça a été élaboré par des connaisseurs à la matière. Ils ont montré le mandat qui leur a été confié et comment ils devaient le faire. Ils ont contextualisé le travail. Ils ont montré les références légales qui motivent leur travail et leurs conclusions. Ils ont montré la méthodologie et par là, il faut comprendre les personnes ou les groupes interrogés, interviewés. Et je veux citer pour mémoire les formations politiques, les représentants du gouvernement, les associations de la société civile et Dieu seul sait combien ces dernières, aujourd'hui au Burundi, sont des satellites au pouvoir. Ils ont aussi interrogé 87 personnes victimes de torture. Ils sont allés au-delà des frontières et sont allés visiter les camps de réfugiés burundais en RDC, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. Et vous comprenez donc que finalement, ces gens ont interrogé beaucoup de groupes et beaucoup de personnes. Et il en va de ça que, contrairement à ce qu'a dit le ministre des Droits de l'Homme, vous savez très bien que ces gens ont eu de la peine à pénétrer sur le territoire burundais avant que le gouvernement ne donne l'autorisation. Le gouvernement ne peut convaincre personne dans le sens de dire que ces gens ont effectué deux missions à des périodes différentes, qu'ils fassent aucun contact avec les représentants du gouvernement. Et d'ailleurs, ils l'ont bien stipulé dans ce rapport qu'ils ont rencontré les représentants du gouvernement. Et s'agissant du contenu de ce rapport, Tassien Sibomana affirme qu'il correspond à la réalité observée ces derniers jours sur le terrain. Nous approuvons le contenu parce que quand ils font allusion aux personnes qui ont été tuées, aux personnes portées disparues, aux personnes torturées, à plusieurs milliers de personnes emprisonnées, c'est une pure réalité car cela se fait au grand jour. Et ces personnes, soit tuées, soit emprisonnées, soit portées disparues, disposent quelque part de ses parents qui ont eu l'occasion de trouver comment causer avec ces experts. Ils n'ont pas manqué de leur exprimer leur peine qu'ils endurent aujourd'hui. Et quand ils font allusion au manque de liberté d'expression, au manque de liberté d'association et de réunion, c'est une pure vérité parce que vous savez très bien qu'il y a eu pas mal de médias qui ont été incendiés, d'autres qui ont été fermés. Vous savez très bien qu'il y a des organisations de la société civile qui ont été interdites d'action. Et vous savez que même les partis, soit leurs responsables ont pris le chemin de l'exil, d'autres ne sont pas autorisés à se déployer sur terrain, sauf ceux qui sont alliés au parti au pouvoir. Bref, vous comprenez très bien que tous ces droits fondamentaux de la personne humaine sont sérieusement bafoués. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Nouvelle des Provinces, je vous l'avais dit, le nombre de personnes atteintes de diabète ne cesse d'augmenter chaque année dans la province de Ruyigi depuis janvier jusqu'en août cette année. Le dépistage de diabète s'est révélé positif pour plus de 200 personnes, soit une augmentation de plus de 250% ces cinq dernières années. Les responsables sanitaires appellent la population à se faire dépister, même en l'absence de symptômes de cette maladie. Les détails avec notre correspondant Jean-Claude Chimiriman. De par les données chiffrées recueillies au bureau de la province sanitaire de Ruyigi, le dépistage hospitalier au diabète s'est révélé positif pour 206 patients, dont 4 décès depuis janvier jusqu'en août de cette année 2016. Selon les mêmes chiffres, l'effectif de personnes atteintes de diabète a connu une augmentation chaque année au point d'arriver à un accroissement de 25,37% sur les 5 dernières années. En effet, cet effectif est passé de 96, dont un cas de décès en 2010, à 345, dont 12 cas de décès en 2015. Dans le but de mener une lutte contre cette maladie chronique, tous les centres de santé au nombre de 46 que compte la province Ruyigi ont reçu chacun ce vendredi un appareil de dépistage de diabète, le glucomètre et ses équipements. Spes Caritas Nsavimana, qui a solennellement remis cette aide au nom de l'Association pour la prévention et la la prise en charge du diabète au Burundi, après Pridia en sigle, a indiqué que le diabète est la troisième cause de mortalité au Burundi et dans le monde. Dismas Mukokereza, médecin directeur du district santé de Ruigi, indique que désormais, tous les centres de santé sont en mesure de faire le dépistage du diabète dans leurs activités quotidiennes grâce à cet appui. À cet effet, il invite la population à se faire dépister, même en l'absence de symptômes de cette maladie, car leur apparition est un signe de complication, a-t-il souligné. Vous saurez que parmi les conséquences du diabète figurent la cécité, l'hypertension, l'amputation des organes, l'impuissance sexuelle, la mort et bien d'autres. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. De Ruigi Cap maintenant sur Mngaro. Un problème de livres dans les classes de 7e fondamentale est signalé par les responsables scolaires dans cette province. Et c'est au moment où l'année scolaire débute ce lundi et les sections techniques sont également insuffisantes. Ils demandent que ces écoles soient équipées en ces matériels si indispensables. Laurent Dicourio. Selon le directeur provincial de l'enseignement à Mngaro, Salatien Nakamulenga, un problème de livres se remarque dans les classes de 7e et 8e, surtout dans les écoles nouvellement créées après le lancement il y a 3 ans de la réforme mettant en place le système de l'école fondamentale. Le directeur provincial de l'enseignement dit que les livres de la 7e de l'école fondamentale ne sont plus produits depuis un certain temps. Comme il y a beaucoup d'élèves dans les classes de 7e année, ils doivent partager le peu de livres disponibles. Ils rentrent avec ces livres et sont des fois exposés à la pluie, ce qui fait qu'ils s'usent rapidement. La province Mngaro connaît également une insuffisance de sections techniques dans les lycées communaux. Il n'y a que 3 lycées communaux disposant de telles sections, à savoir le lycée technique communal Mngaro 2 en commune de Lusaka et le lycée communal Mbogora en commune de Nyabihanga où on trouve la section juridique, ainsi que le lycée communal Kibogoye en commune de Nyabihanga où il y a la section gestion. Le directeur provincial de l'enseignement à Mngaro dit qu'il est difficile que les choix des élèves correspondent avec leur orientation. Pour lui, les natifs et les membres des différents conseils communaux devraient prendre en main cette question car la logique actuelle est que tous les élèves soient casés dans les écoles proches de chez eux. Un autre problème signalé par certains chefs d'établissement concerne l'absence d'ordinateurs et de courants électriques dans pas mal d'écoles, ce qui gêne l'enseignement des chapitres concernant les nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'école fondamentale. De Mngaro, Laurent Dicourio, Radio Isanganiro. Merci Laurent Dicourio. Et dans la province de Gitega, le conflit qui opposait les commerçants du marché de Guihamagara en commune Itaba et l'administrateur communal leur sommant de quitter cette place pour construire un nouveau marché a été résolu à l'amiable ce vendredi. Ces commerçants ont dû retirer leur plainte qu'ils avaient déposée au tribunal de résidence. Ils indiquent qu'ils n'avaient pas compris certains termes du contrat. Arthur Kavarouchi. Selon ces commerçants du marché de Guihamagara, l'origine de ce conflit est que l'administrateur d'Itaba a pris la décision de les évacuer des places qu'ils occupaient sans leur montrer vers où déménager et où leur donner une rente de survie car ils avaient des pièces montrant que c'est leur propriété. Certains de ces commerçants sont allés se plaindre au tribunal de résidence, mais en demandant à l'administrateur de la commune Itaba, Nishimiru Mulemi Adolphe, fait savoir que la propriété qu'occupaient ces commerçants appartient à la commune et que les pièces dont ils disposaient stipulaient bien que c'était une occupation temporaire. Cet administrateur communal a indiqué qu'il a tenu une réunion à leur intention pour leur dire que la commune allait récupérer la propriété afin d'y construire un marché moderne. Parmi ces commerçants, 3 uniquement avaient refusé de se retirer, selon toujours cet administrateur communal, mais qu'après les explications qu'ils ont reçues ce vendredi de la part d'un de ses conseillers, ils sont allés retirer leur plainte auprès du tribunal de résidence. Ces 3 commerçants disent qu'ils ont été écoutés et qu'ils vont se plier à la décision de l'administrateur communal en attendant qu'un nouveau marché soit construit. Cet administrateur communal se dit content du comportement de ses commerçants dans la résolution de ce conflit, tout en faisant savoir que ce n'était pas fréquent. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Retour sur Bujumbura avant l'actualité internationale et la revue de presse qui va boucler ce journal. Dans nos éditions antérieures, nous vous avions parlé des problèmes fonciers dans la zone Buterere 1, cellule 3. La population de cette localité s'indigne que le gouvernement est en train de les exproprier de leurs terres. Comme l'indique Athanase Nizigiyimana, c'est le président du comité des propriétaires de ces parcelles, ce mercredi, les agents chargés de la sécurité les ont malmenés. La population demande à l'administration l'occasion d'intervenir pour que leurs droits ne soient pas bafoués. Christella Nizigama. Après l'incident qui s'est produit entre les propriétaires de parcelles de Boutelele et les agents de police ces derniers jours, cette population indique que l'administrateur de la commune Nahangwa est venu les tranquilliser en leur disant que ceux qui ont commencé peuvent continuer de construire, mais aussi attendre les propos venant du ministère de l'Urbanisme. Mais ce mercredi, les propriétaires de ces parcelles ont vu la police venir les malmener. Cette dernière a aussi détruit les latrines des maisons, comme l'indique le président du comité des propriétaires de ces parcelles. Athanase Hakizimana nous parle des dégâts. Il y a des latrines qui ont été détruites. Vous avez des précisions? Hier, il y a des policiers qui sont venus pour détruire un certain latrine et les autres ont été arrêtés de faire la construction de ces latrines. Notamment, il y a des gens qui ont été battus par les policiers. C'était avant-hier, précisément à partir de 19h. Et après, la population a commencé à se lever et puis la police a fait retour. Ce que nous demandons alors, nous demandons que l'administration vienne d'intervenir pour que les gens soient parce que la sécurité n'est pas totale. Cette population demande à l'administration d'intervenir pour que leurs droits ne soient pas bafoués. Alors que le service de l'urbanisme a promis une réunion entre ses propriétaires des parcelles et l'administration afin de s'assurer si ses propriétaires de parcelles sont dans leurs droits. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez à Libreville, au Caire et à Kinshasa. Au Gabon, la réélection d'Ali Bongo Ondimba a été validée par la Cour constitutionnelle dans la nuit de vendredi 23 à ce samedi. La plus haute instance du pays a rejeté l'essentiel des recours de Jean Ping. À Libreville, la nuit a par ailleurs été calme. Et en Égypte, le naufrage des centaines de migrants met en lumière l'importance des trafics. Alors qu'en RDC, en République démocratique du Congo, de nombreuses personnes ont été tuées jeudi et vendredi dans des troubles à Kananga. C'est dans le centre du pays. Les détails avec Dorine Ndaïrorere. En RDC, de nombreuses personnes ont été tuées dans des troubles à Kananga, dans le centre de ce pays, où des partisans d'un chef coutumier tué en août par les forces de l'ordre ont attaqué l'aéroport, selon des sources concordantes. Selon des bilans contradictoires compilés par l'AFP, les heurts ont fait au moins 10 morts et peut-être plusieurs dizaines. D'après le site de Jeune Afrique, la situation est restée confuse toute la journée à Kananga et l'enchaînement des événements a été difficile à retracer depuis les premiers affrontements de la veille. Au Gabon, après un très long exposé des motifs vendredi soir, la Cour constitutionnelle a annoncé qu'il rejetait la requête de Jean Ping sur le fond. Tout en modifiant partiellement les résultats du scrutin du 27 août, la Cour constitutionnelle a indiqué qu'Ali Bongo gardait une avance sur son rival. Lors de l'audience, il a affirmé que le président sortant avait obtenu 50,66% des suffrages contre 47,27% à Jean Ping. D'après le site de la RFI, ce score est en baisse par rapport au résultat provisoire puisque l'opposant avait obtenu 48,23% des voix. Il y avait un peu moins de 6000 voix d'écart. Il s'agit du deuxième mandat pour Ali Bongo Ondimba, 57 ans, élu en 2009 à la mort de son père, Omar Bongo, lors d'une élection déjà controversée. En Égypte, des familles endeuillées attendaient encore au matin de ce samedi le retour des bateaux dans le port de Rosette, dans le delta du Nil. Au fur des découvertes macabres des gardes côtes, le pays prend la mesure de la tragédie qui s'est déroulée à 12 km au large de son littoral méditerranéen. Comme nous le lisons dans le journal Le Monde, au moins 162 personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, sont mortes mercredi dans le naufrage d'un bateau de pêche transportant des migrants vers l'Italie, selon le dernier bilan provisoire établi par les autorités. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres corps. Dorine Ndaïrorere, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Nadia Sabimana et François Akimana. C'est l'audio à la mise en onde. Merci encore une fois à vous tous. Tout de suite, vous suivez la revue de presse. C'est le journal des journaux. Jean Bosco Ndouimana au micro. Nous vous souhaitons de passer un bon après-midi. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Le récent rapport de l'ONU sur le Burundi a été des plus repris par les journaux. L'hebdomadaire Iwachu trouve qu'il donne des témoignages qui font froid dans le dos. Il rappelle ce passé qui ne passe pas encore. Les vieux démons se réveillent, des mots forts comme « crime contre l'humanité » ou « génocide » sont lâchés. Un expert digne de nom et conscient de ses responsabilités manipule de tels vocables lourds de sens et de conséquences avec tact. Chaque mot est pesé, bien pensé et bien placé. Investi d'une telle mission dans un pays en proie aux violations des droits de l'homme, poursuit Iwachu, ces personnalités ne peuvent pas se permettre d'accomplir leur mission avec légèreté, de se laisser manipuler, de se faire piéger, de tout gober sans recouper. Mais ne l'oublions pas, ce sont des hommes. Ils peuvent se faire avoir, se laisser influencer, et ne perdons pas non plus de vue, selon encore l'hebdomadaire, qui peuvent avoir toutes sortes d'entraves. Iwachu rappelle le cas des experts mandatés par les Nations Unies pour venir enquêter au Burundi et qui ont attendu des semaines durant pour avoir l'aval de Bujumbura. Un peu plus loin, Iwachu écrit que le discours de Bujumbura est un piège qui se referme sur lui. Il revient sur les propos du directeur de l'ONG International Crisis Group pour l'Afrique. Alors qu'un bras de fer oppose le gouvernement burundais et les Nations Unies sur les conclusions du récent rapport des enquêteurs de l'ONU, Thierry Vercoulon, lui, parle d'un dialogue de sourds qui va perdurer et qui ne permet pas d'entrevoir de solutions. L'agence Net Presse parle d'un rapport onusien qui fait des remous au sein du gouvernement de Bujumbura. Depuis la publication de ce rapport, écrit l'agence en ligne, les langues se délient au sein du gouvernement et ne cessent d'en rejeter le contenu. Après la réaction du conseiller principal chargé de la communication à la présidence de la République, c'était le tour du ministre des Droits de l'Homme qui a rencontré le monde de la presse jeudi. Selon lui, le rapport des experts onusiens des droits de l'homme est beaucoup plus politique que technique au regard de sa confection. Le co-facilitateur dans le dialogue inter-burundais est attendu en octobre prochain à Bujumbura. L'agence burundaise de presse dit l'avoir appris via le secrétaire permanent au ministère burundais des Relations extérieures. Et dans le cadre des préparatifs de cette visite, une délégation des personnes travaillant dans son entourage est conduite par le secrétaire exécutif de l'EAC, le Burundais Liberam Fumukeko, était à Bujumbura du 19 au 23 septembre. Revue de la presse. Les cours de culture générale n'auront pas de place dans l'enseignement post-fondamental. Le journal La Voix de l'enseignant parle ici des cours de géographie, histoire, psychologie et sociologie qui ont été supprimés dans les sections lettres et scientifiques, tandis que l'enseignement des langues sera compilé dans un seul cours dans la section scientifique et dans celle nouvellement créée de sciences humaines et sociales. Parents et enseignants estiment que ce programme va rabaisser le niveau des élèves. Le magazine Burundi Echo parle de son côté d'une vague de réformes qui a inondé ces jours-ci le secteur de l'éducation. École d'excellence, système baccalauréat, master, doctorat, BMD, le redéploiement du personnel enseignant, l'harmonisation des salaires, l'éducation fondamentale et post-fondamentale, section technique d'habillement, section menuiserie, informatique, l'école pilote pour l'éducation inclusive, la certification à la place des diplômes, pour ne citer que ceci. Ce n'est pas le diable comme le croit plus d'un. Seulement, écrit le magazine, nous devons nous habituer au fait que les Burundais résistent beaucoup au changement. Innover, oui, poursuit Burundi Echo, mais c'est mieux de préparer d'abord les esprits afin d'y insuffler le nouveau souffle. Que devraient être les caractéristiques d'un parrain parfait pour le mariage ? L'hebdomadaire Iwachu estime que le choix des témoins tend à perdre sa valeur. Un homme qui s'est marié dans les années 80 confie que les critères de choix de son parrain étaient amitié, estime, un bon exemple, etc. C'était plus des valeurs morales que physiques ou financières. Actuellement, soit le choix est porté sur quelqu'un avec lequel l'on partage un verre, des secrets, soit l'on vise la contribution matérielle au mariage. Mais un témoin a de véritables responsabilités selon notre confrère. Certaines valeurs sont indispensables dans le choix, responsabilité, respect, fidélité, disponibilité, etc. Un parrain doit être une personne de confiance sur qui l'on peut compter. Il doit être à l'écoute de vos besoins. D'autres critères sont secondaires. Ainsi s'achève cette revue de la presse qui vous a été présentée par Mireille Kanyange et Léon Sebitaliro. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.